À l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le journal Iran News en date du 5 a fait une rédaction spéciale avec la photo du maréchal Kim Jong-un et le Comité national d'études des études du Congo démocratique a publié le 2 courant un bulletin.